Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet sur 94.2, on ne cesse de vous le répéter. Vous pouvez peut-être nous écouter aussi sur www.fadjet.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On a de cesse de vous le dire. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs, les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Et ma partenaire du jeu, alors ils sont plusieurs maintenant, il y a entre autres Anaïk, bonjour à toi. Bonjour à tous. Ça va ? Oui, merci, bien. Ça va plutôt bien, il y a aussi Jack qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission, qui nous a fait une chronique bien spécifique, on va en parler d'ici quelques instants. Et notre invité, Mitch Tornade, bonjour à toi Mitch. Et bonjour tous les deux. Merci. Salut Mitch. Merci de m'inviter. Et bien merci d'être avec nous pour cet après-midi, cette fin d'après-midi, on est ensemble pour une heure. Waouh. Alors, quel est le programme de ce mois-ci, Anaïk ? Alors, au programme donc, de cette nouvelle émission Coup d'œil dans le rétro, donc effectivement, vous l'avez compris, on jettera un bon coup d'œil donc, sur Mitch Tornade et notamment son événement donc, à venir, le Burlesque Caravane numéro 10, le Bal du Muguet. Donc, on parlera de tout ça donc, avec toi, Mitch. Mm-hmm. On enchaînera après avec une chronique déco et j'avais envie de vous parler du Scooby-Doo, mais plus particulièrement des meubles en Scooby-Doo. D'accord, qui reviennent un petit peu. Reviennent et qu'on voit un petit peu partout. Et puis, bah, Jack nous fera sa chronique et puis enfin, on abordera les sorties dans le coin et un petit peu plus loin. Oui, alors la chronique de Jack aujourd'hui, c'est un retour sur le salon de l'automobile rétro classique qui s'est déroulé là à Stuttgart du 17 au 21 mars. Et ben on va commencer tout de suite, n'est-ce pas? On va lancer le coup d'envoi de cette émission. On va commencer avec notre invité, Mitch Tornade, très connu, hein, personnage connu sur Nancy et même Paris, on peut le dire aussi, un personnage rétro en couleur qu'on apprécie ici à coup d'œil dans le rétro. On va lui poser quelques questions. Oui. Oui, on va lui poser quelques questions. Alors, bon, tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises, Mitch. On va tout d'abord te présenter. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu es amoureux du vintage, des belles tenues et puis amoureux de l'électro swing jusque là, j'ai bon ou pas? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, donc ça va. T'es amoureux d'autres choses aussi. Hein. Oui, oh, non, mais il est multifacette en fait. Donc, caméraman et vidéaste de formation, tu es donc DJ depuis 2001. Tu es à la fois producteur, acteur avec des rôles donc à l'opéra et dans différents films. Tu es aussi danseur et performeur et tu es aussi directeur artistique de l'association donc Cam Nomade qu'on va présenter tout à l'heure qui organise donc des soirées où l'esthétisme, je dirais, est à son apogée. Et tout ça, bien sûr, dans un univers rétro de la première moitié du 20e siècle. Est-ce que j'ai bon ? Tout bon. Tout bon ! 10 sur 10. Alors, on aura une première question. Comment et quand surtout t'es venu finalement le goût de la musique et quelles ont été tes premières finalement influences hein, dans le musical, on peut le dire ainsi ? Alors, ça remonte à loin puisque moi, j'ai étudié la musique au conservatoire à l'âge de 7 ans. Et j'ai fait déjà 2 années de solfège et ensuite j'ai fait de la trompette pendant 8 ans au conservatoire. Ensuite j'ai continué dans un orchestre. J'avais fait un stage de jazz aussi qui m'avait bien plu. Donc c'est vrai que la trompette c'est un instrument qu'on retrouve dans la musique classique mais quand même beaucoup dans le jazz. Et ensuite j'ai toujours aimé tout ce qui était rythmique. Donc j'ai fait aussi de la batterie, j'ai pris des cours particuliers de batterie où j'avançais assez vite. Oui. Et j'ai fait des percus, donc j'étais pendant 3 ans dans une assoc africaine où on faisait des percussions du Togo et du Bénin. Si je Alors me justement, bien. On a des petites informations sur ça. C'est un peu ton enfance qui a été bercée par des musiques antillaises, c'est ça? Tout à fait, oui. Ah. Parce que mes parents fréquentaient des Antillais et on allait. Moi, les premières danses que j'ai vues, c'était le zouk. C'est la première chose que j'ai appris. Et c'était avec les amis antillais de mes parents. Et donc, on est allé aux Antilles pendant un mois, en Martinique, pour préciser. Ouais. Où je suis retourné après. J'ai fait aussi la Guadeloupe, j'ai fait Cuba. Et t'as intégré un orchestre symphonique pendant 3 ans, une association africaine. Voilà, c'est ça. Enfin, 3 ans dans l'orchestre symphonique et je crois 3 ans dans la sauce africaine. D'accord. Voilà, et puis j'ai pris des cours de percus aussi, de congas, de djembé. Voilà, à peu près. Au niveau musique, et Après, c'était le rôle du DJ plutôt. D'accord, mais alors du coup, tu t'es après tourné vers l'électro swing. Enfin, comment t'es venu en fait un peu à l'électro swing? Enfin, je sais pas si t'as. Je pense que c'était une découverte avec des musiques. Il y avait Gabin, par exemple, qui avait repris Doo Wop. Il y a eu aussi l'album de G Swing. Je sais plus en quelle année c'était, mais ça commence à remonter. 2006, je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Voilà, il y avait ça, et puis il y avait aussi, il y avait quelques autres artistes qui faisaient. Bon, souvent c'était juste un titre, hein. Mais c'est des sons qui m'avaient bien plu, et c'est vraiment quand j'ai découvert l'album de J-Swing, je me suis dit, là, ça a vraiment. Je me dis, là, c'est vraiment sympa ça, et je pense que j'ai toujours aimé. Le jazz swing, puisque en plus comme je danse, forcément j'aime toutes ces musiques là j'ai toujours aimé en fait la black music, quoi. Ça, c'était toujours mon fer de lance, puisqu'avant je faisais aussi en tant que DJ des soirées soul disco funk, et donc maintenant c'est vrai que c'est plus swing, bon, rock and roll, donc c'est pas que de la black music, mais t'aimes aussi le rock. Mais quand même je suis très très swing, quoi. Ça c'est vraiment c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui te fait bouger aussi, hein, danseur, il faut le dire. Et alors on peut peut-être présenter, est-ce qu'on présente l'association, on va en gros on peut présenter l'association Cab Nomade qui a été fondée si je ne m'abuse en 2010, et elle a pour objectif notamment de développer des événements rétro, hein, associant la musique, le rétro électro swing exotique et performance burlesque. Oh. C'est bien résumé, c'est ça. Oui. Le mot d'ordre, dress code, tenue rétro chic, et donc faire plaisir aux gens aussi. Voilà, c'est en fait c'est faire plaisir aux gens et demander aux gens de participer, parce que bien souvent quand on va dans un événement, les gens restent passifs. Ils regardent. Vous allez voir un spectacle burlesque. La plupart du temps, c'est comme au théâtre, vous asseyez, vous regardez le spectacle, c'est fini, vous en allez. Là, le but c'est que les gens participent. De danser à la base, hein, parce que pour moi le burlesque c'est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau c'est le bal. Y a des gens qui ont tendance à prendre ça pour l'inverse, bon, ça me dérange pas, hein, en soi, chacun fait comme il l'entend, mais moi c'est d'abord de demander aux gens de essayer de s'habiller et puis de danser, parce que c'est ce qui fait vraiment l'ambiance de la soirée, plus qu'un spectacle où chacun reste dans son coin, observe et puis s'en va à la fin, comme au cinéma ou au théâtre. Donc ça me vient vraiment à cœur. Après, le dress code n'est pas obligatoire, hein, je dis toujours. Mais il est conseillé. Il est conseillé, et c'est vrai que ça permet que à la fête d'être plus folle. Et les gens deviennent aussi, ils sont spectateurs, mais ils deviennent aussi presque pas artistes, mais les gens s'observent. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Et donc du coup, le regard n'est plus porté seulement sur la scène avec les artistes burlesques, mais il est aussi porté du public vers le public. Vers le public, oui. Et c'est ça qui est aussi intéressant, et c'est ce que les gens aiment, parce que ça décore aussi le lieu. Ah bah oui, la c'est ça. Parce que tu peux être dans le plus beau lieu du monde, voilà. Mais si les rencontres entre les gens ne se font pas, et il se passe rien. Et puis peut-être dans des lieux peut-être plus intimistes, et puis au final, c'est l'ambiance, c'est les rencontres des gens qui font l'ambiance. Et on va d'ailleurs faire une petite pause musicale, et après on a encore plein de choses à te demander, Mitch, et notamment l'événement, encore l'association aussi, hein, ce que tu promets avec l'association. Et on va faire une pause musicale. On a pour habitude effectivement de demander à notre invité une musique. Et là, en l'occurrence, c'est, alors je ne vais pas l'accrocher, c'est un anglais parfait. Shout Sister Shout, c'est de Tiny Bradshaw, c'est cela, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Et c'est un titre de 1934. Et oui. Et alors on se retrouve juste après ça. Vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro, ensemble jusque 18h. Lift your voice, sing with me. Shout, sister, shout, sister, shout. And if that devil grabs your hand, here's one thing he can't stand. Shout, sister, shout, you've got to shout. I was walking down the river, singing a howling new song. Up jumped the devil before you, child. Just keep bumping straight along. Tell old Satan how you feel. Keep that devil off your heel. And shout, that's right, you got to shout. Oh, it's bound to be too fast, too tough. Booty, booty, dee, dee, do. Shout, sister, that's right. Get up and shout, shout. Oh, it's bound to be too fast, too tough. right, you got to shout, have mercy, shout. Tiny Bradshaw, Short Sister Short. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Bon, vous l'aurez compris, je fais un effort surhumain en anglais. Je le prononce avec tout mon cœur, mais parfois une leçon ne sort pas. Hein, mais donc là, c'est un titre qui te tient à cœur. À toi, Mitch, par rapport à quoi en fait? Ah, j'adore l'énergie qu'il y a dans ce morceau. C'est vraiment du swing entraînant. Ça donne... On peut pas rester sur sa chaise quand on ça écoute donne ça. Ça, je sais pas, ça donne envie de trembler des gambettes. ça donne envie de guincher. Et puis le mec a vraiment une voix énergique. C'est ça que j'aime bien dans le swing, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de bon enfant. Il y a une espèce d'énergie qui vient de loin et qui, sans avoir à crier ou hurler, il y a un truc qui emmène. Et en plus, ce morceau est sur une compile que j'ai avec moi qui s'appelle Savage Rhythm. Ouais. Et c'est que des trucs de swing comme ça. Et franchement, mais en plus, t'as envie de danser pas seul, hein, voilà, parce que peut-être que, je sais pas, alors, on est peut-être un peu parce que c'est une émission sur le rétro, hein, mais toutes les musiques passées, j'ai l'impression que voilà, dans ce style-là, le swing, t'as envie de danser ensemble, de regarder les gens sourire. T'as envie de t'amuser avec eux. Et j'ai l'impression peut-être parfois, alors c'est un peu peut-être réac, je veux dire, mais enfin pas réac, mais qu'aujourd'hui, on danse un peu sur soi, hein, où on se regarde danser. On se regarde danser. Oui, et puis en plus, c'était des musiques, enfin, les gens n'avaient pas non plus beaucoup de divertissement à l'époque. Donc les bals populaires, les gens s'éclataient comme ça, ils se rencontraient comme ça, ils s'amusaient comme ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'additifs alcooliques ou drogues. La musique suffisait. La musique suffisait. Alors peut-être, je pense qu'il picolait quand même. il devait sûrement aussi peut-être prendre des drogues, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi ce que je cherche à donner aux gens, c'est qu'ils puissent s'amuser sans forcément se mettre une biture ou alors être drogué comme on peut voir dans certaines soirées électroniques. Puis au-delà de ça, Mitch, se mettre une biture et danser là-dessus parce que c'est physique, hein. Oui, c'est très physique. Là tu tiens pas, intérêt, t'es par terre, hein. Ouais. Donc c'est hyper sportif, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour le cardio. Pas besoin de faire de l'aérobic. Hein. Il suffit d'écouter du swing et d'essayer de danser dessus. Marche aussi. On peut le faire chez soi, on peut le faire dans son exactement, salon. Exactement. Ouais. Et puis ça réunit les gens aussi, hein. Enfin, je veux dire, on le smile, quoi. C'est vrai. Moi, je vois dans les soirées, ça sourit. Même si on sait pas danser, on lance les jambes un peu partout. Et c'est le but, en fait. C'est même si on sait pas danser, on y va, on se lâche, quoi. C'est comme les années folles, voilà. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, on parlera de cet événement juste après, parce qu'on a encore pas mal de choses à parler. On va faire aussi une petite parenthèse des chroniques habituelles dans un coup d'œil dans le rétro. Et là, en l'occurrence, chaque mois, eh bien, on vogue, hein, au fil du temps, on regarde un petit peu autour de nous, et on aime la déco, on aime la musique, on aime la déco, on aime les vêtements, on aime les artistes. On aime plein de choses. Et ben là, c'est simplement le moment de la déco. Alors, et la déco ce mois-ci, en ce mois d'avril donc 2016, Anaïk, toi tu nous parlais tout à l'heure des meubles en Scooby-Doo. Oui. Alors l'histoire du Scooby-Doo. Ah oui, parce que bah, je pense que beaucoup d'entre nous connaissent le Scooby-Doo. Effectivement, c'est toujours un loisir créatif du début des années 60, donc c'est quand même assez vieux, qui a ressurgi dans les années 80. Et en fait, l'idée, je sais pas si vous vous souvenez, c'était de tresser des sortes de petits boudins colorés en fait. Alors ça pouvait être en forme de carré ou de polygone. droite, torsadée. Et c'est vrai que les gamins s'amusaient pas mal dans la cour de récré avec ça. Il y a plusieurs inventeurs qui ont revendiqué un peu la paternité de Scooby-Doo, mais c'est vrai que l'origine, elle reste un petit peu inconnue. Alors, en fouillant un petit peu sur Internet, j'ai vu que ça venait en fait du terme provençal Escoba, qui signifie balai. Alors, vous allez peut-être me demander pourquoi Escoba. Le balai. Oui, pourquoi le balai? En fait, avant le plastique, avant l'ère du plastique, les enfants en fait récupéraient les poils des balais en fait, ouais. Pour les tresser entre eux et en faire des petits boudins multicolores. Donc on peut penser effectivement que l'origine du Scooby-Doo en fait vient de là. C'est juste pour jouer avec comme ça, parce qu'aujourd'hui oui. On en fait des porte-clés, des bracelets. Fin... Alors on en fait plein de choses effectivement. On va vous en parler, mais c'est vrai qu'à l'époque le plastique n'existait pas, pardon, et donc les enfants effectivement prenaient les poils des balais de leur maman et en fait s'amusaient comme ça, faire des petites tresses en fait. Bon, aujourd'hui ils ont une déesse. Ouais, c'est pas la même chose. C'est vrai. Donc en fait, le Scooby-Doo, bah, il a été popularisé en France à la fin des années 50 et notamment aussi avec la chanson assez connue de Sacha Distel, donc qui avait pour titre Scooby-Doo, Bidou. Ah. On l'écoutera juste après d'ailleurs. Voilà, donc alors je vous disais tout à l'heure, effectivement, donc il a été utilisé dans les années 50 donc pour la composition de certains meubles. On le retrouve aujourd'hui dans notre déco, oui, de 2016. Il remplace un peu le bois, le tissu, les textiles. Mm-hmm. On peut le retrouver donc sur des chaises, des portes-revues, des miroirs, des fauteuils qui sont réalisés donc en fil de Scooby-Doo. L'avantage du Scooby-Doo, c'est qu'il est un peu graphique, hein. Il est facile à manier, il est très coloré. Oui. Et je trouve que ça donne un peu de peps et de couleur, soit à l'intérieur, parce qu'on peut en mettre effectivement dans les chambres d'enfants, et aussi en extérieur, parce qu'on voit de plus en plus en fait de mobilier en forme de... Enfin, et puis du coup, c'est résistant aussi peut-être. Ouais, c'est hyper résistant. Et il y a une chaise qu'on appelle la chaise spaghetti. Je suis sûre que... Je vous mettrai des photos sur Facebook, mais qui a été conçue par un designer italien qui s'appelait Bellotti dans les années 70, qui est assez célèbre en fait. Donc effectivement aujourd'hui le Scooby-Doo, les meubles en Scooby-Doo, on peut en trouver un petit peu partout, dans les trocs, dans les foires aux greniers, ça va être l'époque, donc je vous invite ça commence à être les brocantes, voilà. Les foires aux greniers, à aller fouiller les greniers, oui. Les grandes enseignes évidemment se sont mises à proposer des meubles comme ça, et puis après il y a des sites internet, et je pense à Isabelle avec Vacom Vintage, ouais. Qui propose des meubles d'époque. Du Scooby-Doo. Et on a le droit, est-ce qu'on peut relancer une mode, un petit bracelet pour cet été, un petit bracelet en Scooby-Doo, ou alors, mais alors les porte-clés, moi j'en ai eu pendant très longtemps aussi, hein, Mais ça se fait encore dans les écoles primaires. Hein. Je sais pas, j'en sais rien. Je vais plus dans les écoles primaires, j'ai rien à y faire. Je pense qu'ils en font encore. À mon avis, je pense qu'ils font encore des Scooby-Doo. Si, parce que je sais, comme tout revient, comme le Rubik's Cube, hein, oui, là c'est on vrai, s'arrache. Ouais. Et donc au même titre que ça, les Scooby-Doo doivent s'arracher aussi. Aussi, mais chez les plus petits, mais c'est vrai qu'en plus c'est ludique, c'est bah, en plus c'est je trouve sympa. Que c'est voilà, ça fait travailler la dextérité des enfants, enfin je trouve ça sympa, quoi. Et ça devait certainement plaire aussi à Sacha Distel, hein, Scooby-Doo, puisqu'il en a fait une chanson, et notamment une chanson française, donc qui est sortie en 1959. Il s'agit de l'adaptation française d'Apples Peach and Cherries, un tube de Peggy Lee, et composé par le poète américain Abel Meeropol, alias Lewis Allen. Scooby-Doo. Allez, vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro. On est ensemble jusque 18h. La rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Scooby-Dooby-Oo. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt, elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des scooby. dooby dooby ooh ah. Bomber, bomber, boire, boire. Et des scooby dooby ooh ah. Scooby dooby ooh. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour. T'en usais modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Une bombe, une poire, et les scooby-dooby, ouh, ah. Que j'en ai tiré est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Les pommes, des poires et des scooby-dooby, ooh, ah. Pommes, pommes, poires, poires et des scooby-dooby, ooh, ah. Scooby-dooby, ooh. Bien sûr, c'était un titre de Sacha Distel, Scooby-Doo, des pommes et des poires. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Et oui, tout est dit dans le titre. Effectivement, nous sommes ensemble jusque 18h. Notre invité du jour, c'est Mitch Tornade, qui vient nous voir, entre autres, pour l'événement La Burlesque Caravane, ou Le Burlesque Caravane édition 10, le bal du Muguet. Eh bien, on va reprendre tout de suite, tout simplement, notre interview de Mitch. Alors, on parlait de l'association précédemment, et donc on avait quelques petites questions aussi pour nos auditeurs qui ne savent peut-être pas ce qu'est le burlesque. Grosse question. Qu'est-ce que le burlesque, Mitch? Alors, il peut y avoir deux définitions. Ouais. C'est, actuellement, le burlesque est plutôt connu sous sa forme d'effeuillage burlesque, donc c'est-à-dire les artistes. On va dire majoritairement féminin, mais on a aussi des hommes qui font cela, ça s'appelle du boylesque. Je sais que toi tu as un numéro d'ailleurs. Voilà, moi j'ai un numéro, et donc à la Burlesque Caravane 10, il y a un artiste justement qui fait ça. Ouais. Et en roller en plus. Ah. Donc voilà, donc c'est des feuillages, c'est une forme de striptease avec des codes... Alors à l'origine rétro, ensuite ça s'est un petit peu, il y a eu deux courants, c'est-à-dire toujours le rétro burlesque, celui pour lequel moi je suis plus favorable j'apporte dans les soirées burlesque caravane. Mm-hmm. Et le new burlesque qui peut se porter sur l'humour, sur peut-être des scénarios. Enfin, des petites mises en scène, il y a même des fois des discours parfois un peu féministes dedans. D'accord. Donc après voilà, c'est beaucoup plus ouvert. Le rétro, c'est plus voilà, glamour, chic, avec les codes vraiment rétro, les beaux costumes, les beaux éventails, les belles plumes, les strass, etc., etc. Et il y a aussi le burlesque, c'est-à-dire tout ce qui est comique, Charlie Chaplin, Laurel et Hardy, voilà tous ces artistes-là qui faisaient du burlesque, de la comédie muette. Oui, du cinéma. En fait. Voilà, et c'est aussi du burlesque, mais on va dire qu'aujourd'hui, avec la mouvance burlesque qui est revenue, c'est ouais. Plutôt du côté de l'effeuillage. C'est du côté de l'effeuillage. Je trouve que le burlesque aussi, on dit souvent voilà la femme, mais en fait c'est il y a toutes sortes de femmes avec toute morphologie en fait. On s'attend pas, enfin il y a des femmes qui sont plus minces, mais il y a aussi des femmes qui peuvent être plus rondes aussi, qui faire du burlesque, c'est ça. Oui, ouais. Oui. Alors on a des filles qui sont très fines, qui sont, on va dire. Qui rentre un petit peu dans les critères de beauté actuels, mais il y a des filles qui ont aussi des corps plus pin-up, qui du coup elles ressemblent plus à des effeuilleuses d'époque, et puis il y a des filles qui sont plus en chair, qui sont un peu plus avec des formes plus généreuses, et qui ont aussi parfois de la grâce et des jolis numéros qui peuvent aussi avoir de très très beaux visages, des très beaux costumes. Les codes de l'époque physique c'était quand même déjà plus en chair qu'aujourd'hui. Les femmes sur les femmes, aujourd'hui on est dans un standard de mannequinat, même si on revient un petit peu en arrière, mais les formes étaient déjà plus appréciées, peut-être plus mises en valeur à l'époque, non ? Ou je me trompe ? Je ne sais pas si c'était plus mis en valeur ou plus apprécié. Je pense que les artistes faisaient avec le corps qu'ils avaient à l'époque. Hein, donc après, selon les époques, les morphologies changent chez les hommes et les femmes. On est plus grand, plus mince. Mais bon, si on regarde les artistes des années 20-30, ils n'étaient quand même pas épaisses, hein, les non. filles. Hein, oui, c'est vrai. C'est plus dans les années 50 où là, on a marqué la taille avec les hanches bien marquées, la taille fine, un peu taille de guêpe avec les corsets. Et les filles avaient plus de forme. C'était un peu plus généreux que les années 20-30. Et justement, toi, on parle des hommes. Il y a une dimension qui est moins érotique sur les numéros des hommes, sur le boylesque. Ça, c'est une question que je me pose depuis un bon moment et à laquelle j'ai jamais réussi à répondre. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce qui peut plaire à une femme dans un numéro des feuillages masculins ? Parce que les femmes, elles se déshabillent pour dévoiler leur charme, leur courbe. Voilà, elles font ça avec grâce, elles le font petit à petit pour exciter le désir de l'homme. Oui. Mais je ne suis pas certain qu'à l'inverse, ça marche vraiment. Oui. Alors, il y a des filles sans doute qui diraient si, ça marche. Il y a bien les Chippendales. Mais enfin, bon, moi, je ne trouve pas ça très gracieux, très chic et très sympa. Moins glamour. Souvent, ça tourne un peu au ridicule. Oui. Donc, du coup, est-ce qu'un homme qui fait des feuillages doit être vraiment bien bâti ? Là, encore une fois, il y a des artistes qui ne sont vraiment pas forcément très bien foutu, mais qui vont jouer sur l'humour, sur des trucs un peu trash même, souvent. Et puis d'autres artistes qui, effectivement, sont très bien faits. Bon, là, celui qui vient d'aller à Caravane, c'est un pompier, donc vous imaginez un peu le physique. Très, très musclé, les bons trapèzes, les pectoraux, etc. Taillé dans le bois. Mais qui ne fait pas de numéro... il n'en joue pas plus que ça un petit peu, mais c'est pas Chippendales, parce qu'il a quand même le costume rétro, il est avec les rollers, donc il y a quand même une touche en plus. Donc j'en dis pas plus parce que je préfère que les gens se fassent leur opinion. Et toi, ton numéro, toi perso. Moi, mon numéro, c'est au départ, il commence sur une musique qui on retrouve dans le film de Coppola, de Dracula. Ouais. Donc c'est une musique très très sombre. C'est un numéro de vampire en fait. Ouais. Et donc toute la première partie, c'est un vampire qui se réveille, qui se lève de son cercueil. Et qu'elle a l'air un peu triste parce qu'il est seul. Forcément, comme il est très vieux, il a perdu ses compagnes, ou en tout cas sa compagne. Et donc, il cherche un petit peu dans le public et il trouve quelqu'un. Donc, il avec son pouvoir, il l'attire. Donc, la fille monte sur scène. Il a mort. Et donc, elle s'évanouit. Ou elle meurt, on ne sait pas trop. Et à ce moment-là, le sang contamine le vampire et il devient complètement dingue. C'est pour ça que mon numéro s'appelle Crazy Vampire. Parce qu'il devient complètement dingue, il se met à danser, il se met à enlever ses vêtements, il joue de la trompette. Et voilà, toute la deuxième partie, c'est sur un morceau d'ailleurs d'Electro Swing, un remix que j'ai fait avec un ami. Oui. Et toute la deuxième partie est beaucoup plus énergique et un peu dingue. Et donc, c'est plus basé sur, sur l'humour. D'accord. Tout en gardant ces codes rétro, puisque les habits que je porte, voilà, c'est un pantalon de smoking, c'est une chemise à jabot avec des boutons très anciens. Enfin, voilà, même la coiffure, le maquillage est un peu en. J'essaie de retrouver un petit peu l'ambiance. Un peu Bela Lugosi, ce genre-là, et évidemment avec une touche moderne. Et bon, a priori, ça amuse bien, les spectateurs. Bon, bah écoute, c'est bien. On va faire une petite pause musicale. Après, je vous présenterai un artiste que j'ai découvert il y a peu et que Mitch aussi connaît. Mais là, on va s'écouter un titre que tu nous as proposé aussi. Et donc, c'est Alma Cogan, c'est ça, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Et donc c'est un titre de 1955 et c'est Kisses. Et on se retrouve juste après ça. Prenez le temps, il est 17h30, ça arrive le week-end. Kiss these lips, you see beside my name. unending love that's tender and unending. Paper kisses too can share anytime and anywhere. Paper kisses say I care with all of my loving heart. Tender and unending, paper kisses too can share anytime and anywhere. Paper kisses say I care with all of my loving hearts. Paper kisses too can share anytime and anywhere. Paper kisses say I care with all of my loving hearts. Paper kisses too can share. Alma Cogan, Paper Kisses, un titre de 1955, je le disais à l'instant. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. On est bien, il est 17h30 à 32 à peine. On est encore ensemble pour une petite demi-heure avec notre invité. Et on voulait, enfin, je voulais aujourd'hui aussi vous parler d'un artiste que j'ai découvert il y a peu. Il s'appelle Max Rab. Alors, Max Rab, pour en dire un peu plus sur lui, est né en 1962 sous le nom de Matthias Otto, donc hein, il est jeune, à Lünen. C'est un chanteur allemand et leader du Palast Orchester. Son groupe et lui sont des spécialistes de la reprise de musique allemande ou étrangère des années 1920 et 1930. Il a créé son orchestre durant ses études à l'Université des Arts de Berlin de 1988 à 95 en chant classique opéra comme baryton. Il est également aussi l'interprète de reprises de chansons pop, entre autres Sex Bomb Top de Tom Jones et Oops I Did It Again de Britney Spears, comme pastiche de chansons des années 20 et 30. Et ça, c'est assez exceptionnel. Oui, il y a une voix particulière. À noter aussi l'influence du groupe des Comedian Harmonists sur Max Rab et son orchestre, le Palast Orchester, qui reprend talentueusement, et respectueusement le répertoire allemand des années 1920 et 1930, très connu donc notamment à Berlin. Il est moins connu en France. Hein. Pourtant, ses rares apparitions sont de grands succès, comme le 30 octobre, notamment à la salle Playel à Paris en 2009, ou bien que le succès de Max Rab et son orchestre reste confidentiel. La salle était pleine, hein, remplie par un public très disparate, plutôt germanophile, dans lequel on croisait des dandys décadents. Il y avait aussi des femmes habillées comme dans les années folles, des garçons sensibles, tout aussi bien que des Allemands en Birkenstock en octobre. Donc voilà, c'est un beau mélange des genres et des personnes aussi usant des chemises à fleurs hautement improbables. Il a également fait une autre apparition à l'Opéra de Vichy le 11 mars 2011 qui s'est reproduit en 2014 lors d'une tournée française. Et Max Rab fait aussi une apparition dans l'émission de Canal+. Il a fait une apparition sur le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Tu le connais, toi? Tu voudrais aussi le faire venir? C'est ce que tu nous disais dans un des événements. Ouais, c'est un dieu, hein. C'est vrai. Non, l'orchestre est exceptionnel. Enfin, ça fait un moment où même j'y pense à me dire, tiens, si je pouvais le faire venir à Nancy. Mais à mon avis, côté budget, on serait sûrement très très très serré. Mais ce qui est génial dans cet orchestre, ils sont tous vraiment, vraiment habillés, tous pareils, au poil. Il y a toute une mise en scène, l'orchestre est mis à différents niveaux, même des fois ils sont sur des tours, vraiment comme ça faisait à l'époque, dans le music hall ou dans des films. Et lui vient avec sa queue de pie, son air un peu... Une voix pas hautain, mais c'est un peu suffisant comme oui, ça. Oui, voilà. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment un personnage. On sent que c'est un peu de la dérision. Mmh. Et puis, une voix exceptionnelle. Je suis absolument pas surpris. Ben, je savais d'ailleurs qu'il venait du lyrique. Mmh. Et ça se sent dans sa manière de chanter. Et c'est, à mon avis, c'est le meilleur big band qui existe. Après, je les connais pas tous, mais il y en a d'autres de très bons. Mais Max Rapp, c'est assez exceptionnel. Oui. Moi, je suis très fan. Et ben justement, on va s'écouter un titre. C'est une reprise de Let's Talk About Sex. Ceux qui connaissent ce titre, c'est des années... C'est quelle année, ça? Je ne sais pas. C'est un groupe américain des années 90. C'est pas Salt and Pepper. Salt and Pepper, exactement. C'est ça. Ça va vous dire tout de suite ce que c'est. Et ça commence comme ça, en swing. Il est 17h35, allez, on s'écoute à Max Rapp and the Palace Orchestra. Mesdames et messieurs, prenez votre temps, le bal est ouvert. Titre exceptionnel de Max Rapp and the Palace Orchestra. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Oh, c'est vrai. C'est quand même un titre exceptionnel, hein, il faut le dire. C'est plutôt sympa. Bien, ouais. Alors, vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro, on a le 16 de le répéter. N'hésitez pas à venir nous voir aussi sur la page Facebook de l'émission Un coup d'œil dans le rétro. On fait un petit coucou à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a certainement peut-être Stéphanie qui est là, Sandra. Ça me donne envie d'éternuer, de faire un petit tchoum aussi là, ce soir en dédicace aussi. Et, il y a pas mal de monde, et donc voilà. Pour nous remercier, c'est simple, allez sur notre page, aimez les petites choses qu'on publie, suivez-nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on fait ça aussi pour vous. Et on aime cette émission, elle nous tient à cœur, ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on l'a mise en place. Et voilà, on n'est pas des spécialistes du rétro, on balaye plusieurs époques et on se prétend pas, voilà, justement être des fins techniciens, mais on essaye. Donc si vous avez des événements ici en Lorraine, sur Nancy ou autre, et que vous avez envie de partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter, alors via la page, hein, c'est 94.2, un coup d'œil, c'est un coup d'œil dans le rétro 94.2. Et puis bah voilà, nous on partagera aussi les événements. Si vous avez envie aussi de nous faire partager votre musique, faites-le, ou écrivez directement à Fadiette, ou venez même dans les locaux, la porte est toujours ouverte ici. Alors on va poursuivre et bien aussi avec notre chroniqueur qui est avec nous depuis quelques temps déjà, ça fait quelques mois, 2-3 mois, et bien c'est Jack, et donc chaque mois il fait une petite visite. Et là, en l'occurrence, il va nous le dire, sa visite, mais on va patienter un petit peu ou pas, Jack ? Alors, après Paris, Jack, où est-ce que tu nous emmènes ce mois-ci ? Alors, ce mois-ci, je vous emmène à Stuttgart. Stuttgart, c'est la 6e ville d'Allemagne, berceau de l'automobile, de Mercedes et de Porsche, plus précisément. L'étoile Mercedes est partout dans la capitale du Bade-Württemberg, notamment sur la gare, ce qui met automatiquement le visiteur dans l'ambiance. Ouais. Et donc dans cette ambiance, tu vas nous donner à chaque fois, c'est ce que tu fais chaque mois, un chiffre ou plusieurs chiffres représentatifs de ton voyage. Exactement, pour résumer mon voyage, je retiens 3 chiffres, 120 000, 2 et 1. Pourquoi 120 000 ? Alors 120 000, ça correspond au mètre carré d'exposition de voitures qu'il y avait cette année à Retro Classic, ce qui en fait un des plus gros salons européens. C'est vraiment quelque chose d'assez fantastique, il faut au moins 2 jours pour voir toutes les voitures, parce qu'il y en a vraiment partout, dans tous les sens. Voilà. Et deux, pourquoi deux ? Parce que on avait la chance d'avoir 2 Jaguar XJ220. L'XJ220, c'était la supercar des années 90 chez Jaguar. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Elton John en avait une, par exemple. Oui. Et là, il y en avait 2, une grise et une bordeaux. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je suppose très cher. Extrêmement cher. La cote, je préfère tu préfères pas la dire. Et pourquoi parce que c'est le kilo de saucisse de Wurtz que j'ai mangé pendant mon séjour. Et oui, quand je vais en Allemagne, qu'est-ce que je fais ? Je mange de la saucisse. Et tu bois quoi avec ? Du mezzo. Le mezzo, c'est un mélange de coca et d'orange. C'est ma boisson préférée. Ah bon, ouais, d'accord. Alors, pour la suite. Alors, donc, Retro Classic, c'est le nom donc du salon. Le Retro Classic marque le début des salons en Allemagne de la plus belle des manières. Dès l'arrivée sur le parvis du Messe, le Messe, c'est le nom du parc d'exposition, de nombreuses voitures sont exposées pour accueillir le visiteur. Autre attraction sur le parvis, l'Unimog. L'Unimog, c'est un camion allemand de marque Mercedes, hein, ça fait partie du giron Mercedes. Et en fait, il y avait un atelier de franchissement. Et on voyait l'Unimog qui montait, qui descendait dans des positions complètement incroyables. Autre petite attraction du parvis, il y avait la nouvelle Porsche 911 GT3 RS. D'accord, un monstre. Un monstre. Totalement violette. Voilà, vous verrez la photo sur la page Facebook. Oui, on la publiera. On la mettra. Voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle vient vraiment de sortir et elle était là pour accueillir le visiteur avec à ses côtés la nouvelle Mustang européenne, celle qui va bientôt conquérir les routes d'Europe. Ensuite, donc, passer l'entrée du parvis, là vraiment Retro Classic, donc c'est 8 halls. Savoir que Retro Mail à côté, c'est seulement 2 halls. Donc vous voyez, il y a du boulot pour 2 jours. Donc ensuite, dès l'entrée du salon, Porsche nous accueille avec un stand Porsche Drive. Et oui, qu'est-ce que c'est le Porsche Drive ? Tu me diras, François. Le Porsche Drive. Alors, Drive, je vais venir. Non. En fait, c'est un comptoir pour louer les dernières Porsche. Et oui. Et donc, un comptoir. Effectivement, voilà, t'avais 2 hôtesses qui te proposaient de louer des Porsche qui étaient garées à côté du Messe pour aller faire un petit tour. Un petit tour, mais bon, je pense qu'il faut quand même une petite caution là-dessus, non ? Eh ben, devine ce que j'ai fait. Je sais pas. Au culot. C'est vrai ? Oui, au culot, je mettrai la photo. J'ai fait un petit tour d'une demi-heure. Tout seul ? Non, avec un steward. Ah, c'est cool. Voilà, j'ai fait un petit tour. Et c'est puis, c'est moi qui conduisais sur autoroute allemande sans limitation de vitesse. Donc, vous verrez la photo. sur la page Facebook. Ah, c'est cool. Et donc tu l'as proposé comme ça, puis hop, Oui, mais bon, avec le badge press, ça aide. Il n'y avait pas grand monde, puisque moi j'y suis allé vraiment à l'ouverture. Donc c'était vraiment avant le rush, parce qu'à savoir que c'est un salon qui est extrêmement connu. Les gens viennent de l'Allemagne entière pour voir ce salon, parce que le choix et la qualité des véhicules présentés est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, justement, pour ça, est-ce que c'est un salon uniquement réservé aux voitures? Alors, pas du tout. Parce que justement, la force de ce salon, c'est de proposer aussi bien des autobus, des camions ou des tracteurs. Il y avait même un tracteur de 1903, vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ça ressemble à un tank. D'ailleurs, en allemand, tracteur se dit tank. Ah d'accord. Eh oui, tout à fait. Et ça a vraiment quelque chose d'assez massif. C'est vraiment incroyable. Alors les autobus, c'est pareil, j'ai pas une passion vraiment grandissante pour les autobus, mais je dois avouer que là il y avait des autobus des années 40, des années 50, qui étaient vraiment magnifiques, avec des couleurs d'époque, mais très élégants. Voilà, quelque chose d'assez sympa. Après, niveau confort, effectivement, on est loin des autobus qu'on peut trouver désormais. Alors, autre petite pépite du salon, en fait, c'était la CLK GTR. Eh oui, il y avait une CLK GTR. Alors ça, la CLK GTR, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vraiment la voiture construite dans les années 90 par Mercedes pour faire de la compétition. Seulement 20 exemplaires de série. Eh oui, exactement, 20 exemplaires de série. Donc au niveau du prix, je te laisse imaginer. Je pense, mais voilà. je préfère. On vaut mieux ne pas savoir. Non, ça reste vaut mieux un pas rêve. Savoir. Voilà, ouais, ça reste un rêve. Alors j'ai réussi à l'approcher. Bien sûr, de près. Oui. Autre pépite qu'il y avait sur le salon, c'était la Ferrari 250 GTE Lusso, qui est pour moi la plus belle voiture du monde. Alors, quand je dis la plus belle voiture du monde, je cherche les mots pour dire ce que j'en pense. Il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de monter dedans. Voilà, le monsieur qui gérait le stand m'a laissé monter dedans pendant 20 minutes. Et je suis resté comme un enfant à côté de la voiture pendant 20 minutes. Voilà. Et donc là, tu es resté 3 jours là-bas. Alors, moi, je suis resté 3 jours. Donc, j'ai pris 6 trains, 2 trams. C'était un bon moment. C'est un extrêmement bon moment. Je pense que c'est vraiment le salon à faire quand on est passionné de 2000. Parce que vraiment, il y a de tout. Hein, du vintage, du youngtimer, voilà, du supercar. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est à l'allemande. Donc, c'est propre, c'est carré, c'est organisé. Les gens sont courtois, agréables. On est vraiment accueillis à bras ouverts. Eh ben super, et on peut retrouver peut-être un peu plus de détails aussi sur ton blog. Alors oui, voilà. Alors vous retrouverez quelques photos sur Jack fait un blog auto, et dans le magazine Rétro Passion Automobile du mois de mai, l'article complet avec toutes les photos. Et en attendant, on vous mettra sur la page Facebook quelques photos de ce voyage à Stuttgart. Et ben justement, on va en profiter pour écouter une petite musique qui s'écoute, j'ai l'impression aussi, qui peut s'écouter dans une belle voiture de collection. Et c'est encore un conseil. Eh bien, de Mitch, Ella Fitzgerald et Teddy Wilson, Melancholy Baby, c'est un titre de 1936. Allez, on est encore ensemble pour une petite quinzaine de minutes. Prenez le temps, le week-end arrive. Fitzgerald et Teddy Wilson, Melancholy Baby sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Et oui, donc il est 17h49, les amis, on continue avec notre invité du jour et là on va parler du vrai, de l'événement, le bal du Muguet. Alors, Donc on parlait des soirées burlesques caravane et la prochaine, Mitch, se déroule donc le samedi 30 avril, donc c'est la semaine prochaine, et s'intitule le bal du Muguet. Alors avec pour petite particularité, pour la première fois dans tout le Grand Est français et luxembourgeois, un big band de 20 musiciens et des artistes burlesques ensemble sur scène, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc nous n'aurons pas tout le show, tout le spectacle avec l'orchestre, mais l'orchestre restera sur scène et on aura quand même, je pense, 5-6 numéros qui seront joués avec l'orchestre et les artistes ensemble. Et ça, c'est vraiment super parce que c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Donc là, c'est une première tentative. Les artistes et l'orchestre vont se rencontrer l'après-midi avant la soirée. Chacun un peu répété de son côté. Et voilà, j'espère qu'il y aura une belle alchimie le soir du 30 avril. Alors, le dress code donc, de l'événement, donc, ça sera quelles années, Mitch, tu peux nous dire? Alors là, c'est plutôt orienté années 20-30, comme on voit sur l'affiche, hein, puisque la jeune fille qui est assise sur le fauteuil porte un ensemble années 30, a priori. Bon, après, ça reste quand même ouvert, on ne peut pas être trop restrictif. Ouais. S'il y a des gens qui veulent être habillés années 50, 40, 60, voilà, il n'y a pas de souci. Le but, c'est de faire un effort, de se faire beau, de se faire belle. On peut rappeler quand même qu'il y aura un concours de la plus belle tenue. Il y a un concours de la plus belle tenue, effectivement. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver d'autre lors de ce bal du Muguet? Alors, il y aura. Alors, en tout début de soirée, dès 20h30, hein, les portes ouvrent à 20h. Et à 20h30, il y a une initiation claquette. D'accord. Avec Pascal, qui est prof de claquette sur Nancy. Ensuite, 21h, il y a le Big Band qui va faire une heure de concert, enfin, quand je dis de concert, une heure de bal, qui va animer le bal, voilà, pour que les gens puissent danser, juste après l'initiation claquette. Ensuite, il y a la première partie de la revue, donc, avec les artistes et le Big Band, où là, on va retrouver, donc, une effeuilleuse américaine, qui s'appelle Jenna Beff, qui vient des USA, exprès. Nous avons aussi une danseuse Charleston qui s'est mise aussi à l'effeuillage, qui s'appelle Anya Pavlova, qui vient de Russie. Nous avons Mlle Viviane, que je connais bien sur Paris, qui elle va faire du French Cancan, de la danse et l'effeuillage. Et je le dis parce que ça n'a pas été dit sur la communication, mais elle va faire un hommage à Michael Jackson. Oh là, en French Cancan. Parce que Michael Jackson avait un côté quand même aussi dans ses tenues, et il s'est inspiré beaucoup des danseurs de swing dans ses pas. Et donc elle va faire un hommage spécialement pour il y a un numéro en rapport avec Michael Jackson. Et tu disais tout à l'heure donc qu'il y allait aussi avoir un spectacle donc avec un homme, donc le Boyless. Oui, hein, c'est Marc Angel qui vient aussi de Paris et qui lui en fait est surtout un pro du roller. Et s'est mis au burlesque il n'y a pas très très longtemps. Il a deux numéros. Donc il en présentera un le 30 et un autre numéro où il va nous montrer son aisance en roller. Et là, il sera accompagné de l'orchestre. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des artistes. Et oui, bien sûr aussi, j'allais oublier. Tous ces artistes vont être présentés par un comédien de Nancy que certains connaissent. Je connais bien. Qui s'appelle Romain Dieudonné. On avait travaillé ensemble sur un court-métrage il y a quelques années de cela. Et j'avais gardé en tête, je me dis, tiens, j'aimerais bien un comédien pour présenter un peu décalé. Mm-hmm. Et je me suis dit, tiens, j'ai pensé à lui. On va voir, ça va être une nouvelle expérience, d'avoir un comédien qui va présenter et qui va sans doute faire des petites blagues, des petits sketchs. Je sais pas trop encore ce qu'il va nous préparer, ça va être la surprise. Et puis il y a mon ami Lula Hoops de Strasbourg, enfin qui est pas de Strasbourg même, mais d'Alsace, qui est là depuis, je crois, la Burlesque Caravan 4 et qui est notre stage kitten, donc celle qui fait en sorte que tout se passe bien sur scène et qui est quand même qui a un rôle important et pour qui j'ai une grande affection puisqu'elle est là depuis très longtemps. C'est comme si elle faisait partie de l'équipe, d'ailleurs elle fait partie de l'équipe. Et donc il y a aussi notamment différents stands de maquillage rétro, des stands photo, un coin des délices des papilles avec des cupcakes sucrés et salés, des wraps, des clubs sandwich, des cupcakes, donuts. Alors ça promet d'être une belle soirée et aussi il y a des DJ, je crois, non? Oui, il y a moi, et puis il y a un autre DJ, un copain, qui était déjà là pour les 5 ans de Cab Nomade le 31 janvier. Là, on avait fait un bel événement à l'hôtel de ville, on était 300, qui sera là pour en début de soirée, et peut-être aussi plus tard, si à un moment donné j'ai envie d'aller boire un verre et me reposer. Donc on sera deux. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler, ou dire, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, le lieu de l'événement même. Ouais. Oui, alors je dis quand même le nom du DJ qui s'appelle Maurizio. D'accord. Et c'est un Italien. Et donc la soirée se passe à la salle Jean Ferrat, donc qui s'appelait avant les Écraignes. Hein, pour les gens qui connaissent pas Jean Ferrat, c'était la salle des Écraignes. D'accord. C'est juste en face le château de Madame Graffini. D'accord. Et donc, ça se passe à Villers-les-Nancy. Ouais. Alors je précise quand même parce que j'ai souvent remarqué qu'on avait moins de monde à l'extérieur de Nancy que quand on fait quelque chose à l'hôtel de ville. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est quand même vraiment pas loin. Nancy, Villers-les-Nancy, c'est quand même pas loin. On a une belle salle et surtout on le fait là-bas parce que c'est la seule salle qui peut nous permettre d'avoir une scène aussi grande. Oui. On va essayer de faire comme Max Rab, c'est-à-dire de mettre l'orchestre sur différents niveaux et d'avoir les artistes devant l'orchestre. Et ça, on pouvait pas le faire à Nancy parce qu'on n'a pas de salle équipée de scènes suffisamment grande. Et donc du coup, ça vaut vraiment le coup de faire le déplacement parce que c'est quand même une grande première depuis l'histoire du Burlesque Caravane. Et il faut pas s'arrêter à Nancy, il se dira, c'est pas l'hôtel de ville Nancy, donc oui, côté, ça nous intéresse quoi, moins. Parce que le contenu de la soirée est aussi qualitatif aussi bien que ce qui se passe à l'hôtel de ville. Bien évidemment. Alors, si on veut prendre des places, en fait, comment on fait ? Il y a des préventes Oui, alors il y a des préventes toujours dans la petite boutique, qui s'appelle le Comptoir des Caprices, chez Sophie, c'est dans le passage bleu. Au prix de 20 euros. Et sinon, vous avez les préventes sur France Billets, donc c'est tout le réseau Fnac, Carrefour, Géant U, Intermarché, etc. Où là, c'est 20 euros, puis il y a 1,80 € de frais de loc. Voilà, qui revient à la Fnac. D'accord. Super. Et alors aussi, on peut le dire, de toute façon, c'est toujours une réussite, ces événements-là. On en a fait deux. Et alors, on a aussi quelques autres événements. La veille, par exemple, la soirée Eno Jazz, qui est organisée par le Club Saint-Lambert, qui est Clément qui est venu et qui vient aussi chroniquer dans notre émission, dès 20h, à la centrale des Vignerons à Nancy, pour savourer notamment les meilleurs vins, tandis que des jazzmen emporteront les danseurs en faisant résonner leur guitare manouche, le tout dans une ambiance des années 50. Ça, c'est le 29 avril, donc vous pouvez faire le paquet. Un vendredi petit week-end 29, sympa, soirée Eno Jazz par le Club Saint-Lambert. Je pense que je passerai faire un petit tour. Et voilà. Et donc, les contacts, c'est contact@clubsaint-lambert.fr ou au 06 03 13 26 72. Qu'est-ce qu'il y a d'autre le 28 mai? C'est là son mois de mai, 28 mai. Donc il y a le Vide Dressing de Nancy, donc qui est de la part qui vous propose donc un nouvel événement mixte hommes et femmes. Donc la soirée commencera donc avec une vente privée, donc sur inscription par contre, puis ouverture des portes à partir de 19h30. Donc pour cette édition, donc le Vide Dressing de Nancy est en partenariat avec l'école Tunon. Donc voilà, c'est ce que c'est les événements. Il y a aussi ce week-end là à Villers, aussi à Villers notamment, qui a lieu la 4e édition du Festival Ville et BD avec une déco rétro imaginée par Isabelle de V comme Vintage. Oui, je vous invite à aller voir. Ce week-end. Il y a pas mal de choses qui se fait ici sur Nancy environ, et on relaie au maximum ces événements. Et notamment, on est très heureux de t'avoir eu ce matin, aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de le dire, c'est quand même très important que je parlais d'un big bang de 20 musiciens. Oui. On n'a pas dit leur nom, c'est Fuite de Jazz, avec qui on est en partenariat. Ils sont très sympas. Ils ont un super directeur musical et je suis ravi de faire cet événement Burlesque Caravane 10, le bal du Muguet, qui sera orchestré par Fuite de Jazz. 10 éditions, donc ne manquez pas cette 10e édition de la Burlesque Caravane. Et 6 années. Et 6 années, voilà. Mmh. Et nous allons aussi diffuser via notre page Facebook l'événement. Vous pourrez retrouver aussi l'émission en podcast pour ceux qui le désirent sur www.fadjet.net podcast, mais aussi sur la page directement, la page Facebook où on remet par Mixol l'émission dès ce lundi. Et bien voilà, mes amis, merci encore à toi, Mitch. Merci, Mitch. Et merci à vous deux. C'était super. Et puis bonne burlesque, en tout cas, bonne 10e édition. Et on ne manquera pas de te revoir de toute façon dans notre émission, n'est-ce pas? Mais oui, je compte bien revenir pour notre bal. Là, c'est le bal du Muguet, voilà. Et on verra le prochain. Et Anaïk, on se retrouve quel mois, le mois prochain? Le mois prochain, ça sera donc le mois de mai. Et donc, on se retrouvera le 20, le vendredi 20 mai. Allez, c'est super, à bientôt. Les programmes continuent sur Fadjet, il est 18h. Bon week-end à vous. Et nous, on se retrouve, eh bien, le mois prochain. À bientôt, ciao, ciao. Bisous.